Chapitre 6. Richard Hare. Les magistrats furent exacts au rendez-vous. À cette heure précise, ils se trouvaient tous réunis chez Carlyle, ou plutôt chez Mademoiselle Carlyle, car cette maison, elle en était la propriétaire. Mademoiselle Carlyle reçut elle-même les invités et se mêla à la discussion en dépit du dégoût que lui inspirait l'odeur du tabac. Dans le pays, elle avait la réputation d'être un aussi bon juriste que l'avait été son père. Et cela non sans raison. Elle possédait à fond la science du droit et l'art d'éclaircir les difficultés. À 8 heures, un domestique se présenta au salon et vint annoncer à l'avoué que M. Dill désirait lui parler. Carlyle se leva, sortit et revint bientôt avec son billet à la main. « Je regrette d'avoir à vous annoncer, dit-il, en s'adressant au magistrat, que je suis obligé de vous quitter pour une demi-heure. Une affaire importante m'appelle, mais je serai bientôt de retour. Qu'est-il arrivé ? Demanda Cornélie. Carlyle se contenta de lui lancer un regard significatif. Elle ne répéta pas la question. « Dill restera avec vous, » ajouta l'avoué, « et il pourra vous aider de ses lumières, car il est encore meilleur jurisconsulte que moi. » Ce disant, il partit à la hâte et marcha à pas précipité vers le jardin attenant à la maison des Hare. Tout se taisait dans la nature, et les rayons blafards de la lune éclairaient faiblement les sentiers. Lorsqu'il eut laissé derrière lui la ville, et comme il passait devant les petites propriétés dont nous avons déjà parlé, il jeta, sans y penser, un coup d'œil sur la forêt qui s'étendait à gauche, derrière les maisonnettes. C'était la forêt de l'abbaye, ainsi appelée parce qu'un monastère s'élevait autrefois en cet endroit. À quelques pas de là, juste à l'entrée du bois, on pouvait voir une petite chaumière, et c'était là qu'avait eu lieu le meurtre pour lequel Richard Hare avait été condamné à mort. Cette chaumière était maintenant déserte, car depuis qu'un crime y avait été commis, personne n'avait voulu l'habiter. En arrivant devant l'habitation du juge Hare, Carlyle poussa la grille, entra et jeta de tous côtés un regard scrutateur, sans pouvoir cependant apercevoir Richard. Barbara faisait le guet à la fenêtre du salon. Dès qu'elle vit Carlyle, elle descendit pour lui ouvrir la porte. « Ma mère est fort agitée en ce moment, » lui dit-elle en le recevant. « Est-il arrivé ?» demanda Carlyle. « Je le crois, mais il ne s'est pas encore montré. » Madame Hare, en proie à une grande surexcitation, se tenait debout près d'un fauteuil. Une sueur abondante couvrait son front, et la coloration de ses pommettes tranchait sur la pâleur du reste de la face. Carlyle s'approcha d'elle, et lui glissant un portefeuille entre les mains, « J'ai cru, murmura-t-il, devoir vous remettre cet argent en billets de banque. Cela lui sera plus facile à emporter. » Madame Hare serra avec force les mains de l'avoué et fixa sur lui des yeux pleins de gratitude. « Archibald, soupira-t-elle, il faut que je voie mon enfant. Irai-je à sa rencontre ?»« L'air du soir ne vous voit rien, » répondit Carlyle. « Je préfère qu'il vienne ici. Avez-vous éloigné les domestiques ?»« Tout est pour le mieux, » interjeta Barbara. « C'est aujourd'hui la fête d'Anna, et ma mère vient d'envoyer à la cuisine un gâteau et une bouteille de vin pour que les domestiques boivent à sa santé. Je leur ai dit, en ayant soin de bien fermer la porte, que nous sonnerions si nous avions besoin d'eux. « C'est à merveille, » remarqua l'avoué, « et nous pouvons maintenant aller chercher Richard. »« Voulez-vous que j'aille m'assurer d'abord s'il est arrivé ?» fit Barbara. « Non, restez ici, je préfère m'acquitter moi-même de cette tâche. Ayez soin seulement de tenir la porte ouverte dès que vous nous verrez revenir. » Barbara poussa un cri, et toute tremblante, elle étreignait le bras de Carlyle. « Le voici, » balbutia-t-elle, « là, derrière ces arbres. Ne le voyez-vous point ?» Carlyle se retourna vers Madame Hare. « Je vous l'amènerai moi-même tout à l'heure, » dit-il. « Il est nécessaire que j'aie premièrement un entretien seul à seul avec lui. » Et il s'en alla, et courant à la porte qu'il entrebâilla doucement, il marcha à pas de loup vers la haie derrière laquelle Richard s'était caché. Il passa la tête dans le treillis feuillu et se trouva en face d'une forme sombre, accroupie sur le sol. C'était lui. Si nous mettons de côté le costume peu gracieux dont il s'était affublé, ainsi que la fausse barbe qu'il avait plaquée sur ses joues, Richard Hare était un jeune homme à la physionomie avenante, aux yeux bleus, à la taille élancée et aux manières douces et aimables. D'une nature excessivement indolente, il était cependant capable d'attachement. Quant à la justesse et à la solidité du jugement, il n'en avait pas. En un mot, c'était une tête éventée, une tête sans cervelle. « Ma mère va-t-elle venir ?» demanda Richard après qu'il eut échangé quelques paroles avec l'avoué. « Non, je dois vous conduire auprès d'elle, » répliqua Carlyle. « Votre père est sorti et vous n'aurez rien à redouter des domestiques. Ils sont tous renfermés dans la cuisine. »« Eh bien, entrons à présent. J'ai hâte de m'en retourner. Aurai-je l'argent que l'on m'a promis ? Oui, certainement. Mais dites-moi, Richard, reprit Carlyle, n'avez-vous pas des révélations à me faire touchant ce terrible drame ? Voyons, profitez du moment où nous sommes seuls. À quoi bon ? Si je proclamais maintenant la vérité à la face du monde, le monde ne me croirait pas, et vous-même tout le premier. Voyons, Richard, ayez confiance en moi, ouvrez-moi votre cœur. Soit, je le veux bien, dit Richard. D'autant plus que j'éprouve en vérité le besoin de soulager ma conscience du poids qui l'oppresse. Je n'ai jamais été heureux chez moi. Sans cesse, on me reprochait mes visites chez Hallé John. Mon père et ma mère me faisaient continuellement des scènes de ce que je courais après Affy. Hallé John m'avait prié un jour de lui prêter mon fusil. Et le soir de ce même jour, quand je suis allé voir Affy, ou plutôt quand je suis allé voir Richard, interrompit Carlyle, il y a un vieux dicton qui, selon moi, n'est pas sans valeur. C'est celui-ci. On ne doit rien cacher à son avoué, pas plus qu'à son médecin. Si vous désirez que je vienne à votre aide, il faut tout m'avouer. Vous pouvez compter sur ma discrétion. C'est bon, riposta Richard. Et puisque vous désirez tout savoir, apprenez que cette fille, je l'aimais et que, pour en faire ma femme, j'aurais patiemment attendu l'heure de ma mort. Je l'aimais, mais je ne pouvais l'épouser, car mon père s'y opposait. Comment ? Vous en eussiez fait votre femme ? Dit Carlyle en appuyant sur les mots. Richard le regarda d'un air étonné. Que voulez-vous dire ? Pensez-vous que j'étais capable d'en faire ma maîtresse ? Ah, je ne suis pas aussi perverti que vous semblez le croire. Eh bien, continuez, Richard. Cet amour était-il payé de retour ? Je n'oserais le certifier. Un jour, je le pensais. Un autre, j'en doutais. Car elle tergiversait sans cesse et avait recours à tous les faux fuyants imaginables. Elle semblait préférer sa présence à la mienne. Fantasque et capricieuse, elle ne voulait pas me recevoir tel soir ou tel autre. J'ai depuis découvert que ces soirs-là, elle l'attendait. « Je ne vous comprends point, Richard, » interjeta l'avoué. Richard Eyre se pencha à l'oreille de Carlyle. « C'est à ce moment des thornes que je fais allusion, » murmura-t-il avec rage. Carlyle se souvint alors que déjà Barbara avait prononcé ce même nom. « Quel est ce thorn ? » demanda-t-il. « Je ne le connais point. »« Qui le connaît ? Personne, » reprit Richard avec découragement. Il avait bien soin d'éviter tout esclandre, et il ne venait la voir qu'en cachette. Ainsi, il faisait la cour à Affy. Vous en êtes bien sûr ? Aussi sûr que vous êtes là, près de moi, » répondit Richard d'un ton désespéré. Il arrivait à cheval au triple galop lorsqu'il faisait nuit. Il attachait sa bête à un arbre de la forêt. Il restait enfermé une heure ou deux avec Affy. Arrivons à l'assassinat, fit l'avoué. Hallé John, ayant donné son fusil pour être réparé, m'avait demandé de lui prêter le mien. Je crus devoir obtempérer à ce désir. Comme je le lui portais moi-même, un soir après dîner, mon père me rattrapa et me demanda où j'allais. Je répondis que j'allais chez Grandchamp, et ce mensonge fut, aux yeux du juge d'instruction, un témoignage accablant contre moi. Quand j'arrivai chez Hallé John, après avoir, selon mon habitude, longé les champs et suivi les sentiers de la forêt, Affy vint au-devant de moi, et m'annonça, d'un ton froid et réservé, qu'elle ne pouvait pas me recevoir et qu'elle me conseillait de retourner sur mes pas. Nous eûmes à cet égard une courte interlocution, durant laquelle Locksley vint à passer et m'aperçut le fusil sur l'épaule. Je finis par lui demander pardon, car elle faisait de moi tout ce qu'elle voulait, et j'eusse baisé la terre sur laquelle elle avait passé. Je lui remis le fusil en l'avertissant qu'il était chargé. Elle le prit et rentra en fermant la porte. Je ne pouvais m'en aller. L'idée me vint que Thorn était là avec elle, et voulant en avoir le cœur net, je me cachai derrière les arbres près de la maison. Locksley passa de nouveau et me demanda ce que j'avais et pourquoi je me tenais ainsi en sentinelle. Sans lui répondre, je me levai et j'allai plus loin. Cet acte encore a été cité comme preuve de ma culpabilité. Environ 20 minutes après cet incident, j'entendis un coup de fusil qui me semblait provenir de la chaumière. C'est sans doute quelqu'un qui fait feu sur une perdrix en retard, pensai-je en moi-même, et au même moment, j'aperçus Bethel sortir de la forêt et se diriger en toute hâte du côté de la chaumière. Le coup dont je venais d'entendre le retentissement, c'est celui qui a tué Hallé John. Il y eut un moment de silence, car là il fixait avec attention ses yeux sur le visage de Richard Hare, qu'éclairait en entier un rayon de la lune. Bientôt après, reprit Richard, c'est-à-dire presque au même instant, je vis un individu s'enfuir à toutes jambes, tout haletant et essoufflé. C'était Thorn. À sa vue, je me sentis comme paralysé. Jamais je n'avais contemplé une frayeur pareille. Son visage était d'une pâleur cadavéreuse. Ses yeux jaillissaient de leurs orbites et ses lèvres écartées et béantes laissaient entrevoir de rangées de dents qui s'entrechoquaient convulsivement. Si j'en avais eu la force, je l'aurais arrêté. Je me serais jeté sur lui, car j'étais fou de haine et de jalousie. Car je comprenais enfin qu'Affy ne m'avait renvoyé que pour être seul en tête à tête avec lui. « Mais, remarqua Carlyle, ne m'avez-vous pas dit que ce Thorn ne venait jamais qu'à la nuit tombante ?»« C'était en effet son habitude, » continua Richard, « mais je vous certifie qu'il était là à 7 heures. Il continua son chemin. Je le perdis de vue, puis j'entendis peu après le bruit d'un cheval s'en allant au triple galop. Ceci éveilla en moi des soupçons. Je me demandais pourquoi il avait cet air épouvanté et pourquoi il avait ainsi pris la fuite. D'un bond, je courais à la chaumière. Je me précipitais par la porte entr'ouverte. J'allais me heurter contre un corps froid et roide, étendu sur le sol. C'était le cadavre de Hallijohn. Il était là, couché devant la cuisine, dans une mare de sang. Mon fusil déchargé était à ses côtés. La balle lui avait pénétré le cœur. » Ici, Richard s'arrêta un moment, comme pour reprendre haleine. Carlyle ne parlait point. « J'appelais Affy, reprit-il, mais personne ne me répondit. Un silence lugubre régnait dans la maison. J'eus peur, car j'ai toujours été un lâche. Une terreur invincible m'empêchait de rester plus longtemps auprès de ce cadavre. Je ramassai mon fusil et j'allais m'échapper lorsque... « Pourquoi avoir ramassé le fusil ?» interrompit Carlyle. « Vous savez ce que c'est ?» répondit Richard. « En de tels moments, on ne sait pas toujours ce que l'on fait. D'ailleurs, je craignais, en laissant là le fusil, d'être impliqué dans le crime. Je vous disais donc que j'allais m'échapper, lorsque j'aperçus à quelques pas devant moi Locksley, qui venait de la forêt. À cette vue, je perdis complètement la tête. Une idée terrible me martela le cerveau, et cédant à un moment de panique, je lançai loin de moi le fusil et pris la fuite à travers le bois, en dépit des cris dont me poursuivait Locksley. C'était là l'acte d'un insensé, remarqua Carlyle. C'est vrai, rugit Richard Hare, en frappant du pied de la terre, c'est vrai, répéta-t-il d'un ton lamentable. Mais laissez-moi continuer. Sur mon chemin, en arrivant près de la demi-lune où l'on a abattu des arbres, je rencontrai Bethel. Je crus qu'il pourrait m'aider à éclaircir mes soupçons. « Avez-vous vu cet animal ? » lui criai-je de loin. « Quel animal ? » demanda-t-il. « Ce misérable Thorn qui fait la cour à Affy. Je ne connais pas ce Thorn, et j'ignore de qui vous voulez parler. »« N'avez-vous pas entendu un coup de feu ? » repris-je. « Oui, certes, » dit-il, « et je pensais que c'était Locksley qui l'avait tiré. Mais où voulez-vous en venir ? » Je voulais savoir si vous n'aviez pas eu Thorn s'enfuir subitement de la chaumière. Non, je n'ai vu personne que vous et Locksley. Je fus profondément découragé. Et vous vous êtes décidé à quitter le pays cette même nuit ? Dit Carlyle. Erreur fatale. J'étais fou. Je voulais rester et voir quelle tournure prendrait cette affaire. Mais cela n'était pas praticable. 3 ou 4 heures après que le crime fut perpétré, je me rendis de nouveau à la chaumière et j'eus là un entretien de quelques minutes avec Affy. Jamais je ne l'oublierai. À peine m'eut-elle aperçue qu'elle s'emporta contre moi, et la bouche écumante de furie, elle se mit à vociférer que j'étais l'assassin de son père. Puis en proie à la plus violente surexcitation, elle poussa des cris et se roula par terre en mouvement convulsif. Ce bruit amenait du monde, car la maison en était maintenant remplie. Je crus qu'il était prudent de m'enfuir au plus vite. Si, pensais-je en moi-même, elle me croit coupable, le monde entier me condamnera. Et j'avais raison. Toutes les apparences étaient contre moi. Le juge d'instruction, après avoir procédé à l'interrogatoire des témoins, fut de plus en plus convaincu que j'étais le vrai criminel. Et les recherches du parquet n'aboutirent qu'à accumuler sur ma personne de nouvelles preuves accablantes. Affy elle-même, Affy que j'avais tant aimée, fut en cette circonstance mon plus terrible adversaire, car elle nia formellement avoir reçu chez elle cette nuit un autre homme que moi. Elle jura que le crime avait été commis pendant qu'elle était à se promener seule à quelques pas de la chaumière. Carlyle demeurait muet et pensif, s'efforçant de résumer en lui-même les points principaux du rapport que venait de lui faire Richard Hare. « D'après votre témoignage, reprit-il enfin, il y avait ce soir-là, dans les environs de la chaumière, 4 personnages. Vous m'assurez que vous étiez à une assez bonne distance de l'endroit du crime au moment où le coup est parti. Quant à Bethel, Bethel est innocent. » interjeta Richard. « Je l'ai vu juste au moment où la détonation m'a frappé mes oreilles. Mais alors, où était Locksley ? Il était dans le bois, à quelques pas de la route, et l'on ne saurait faire planer sur lui le moindre soupçon. Le coupable, le seul et vrai coupable, c'est Thorne. Votre déposition me surprend, fit Carlyle avec cet accent droit et honnête qui le distinguait. Mais je vous promets de la prendre en considération. Une chose surtout me paraît choquer le bon sens. Vous m'assurez que vous avez vu Thorne s'échapper, tout ému et agité, du seuil de la chaumière. Pourquoi alors n'avoir pas fait cette révélation au parquet ? Pourquoi ? Répondit Richard. Vous me demandez pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je suis un être pusillanime et lâche, et aussi parce que je me sentais comme écrasé par la fatalité d'une situation implacable. Parce que tout parlait contre moi, jusqu'à cette arme inerte et déchargée que l'on a ramassée auprès du cadavre. Laissez-moi vous poser une autre question, s'écria Carlyle. Comment se fait-il que personne ne se souvienne d'avoir vu ce Thorne dont vous parlez ? S'il avait l'habitude d'avoir chaque soir des entrevues avec Affy, il me semble que quelqu'un aurait dû remarquer des visites aussi réitérées. Il n'arrivait que la nuit et par les sentiers les moins fréquentés. Je vous l'ai déjà dit, c'est la première fois que je l'ai vu venir avant le coucher du soleil. Je n'ai pas été longtemps à deviner qu'il voulait cacher son jeu, et je n'ai pas hésité à communiquer à Affy mes propres impressions à cet égard, l'engageant à se tenir en garde. Vous me semblez n'attacher aucune importance à ces révélations. Toutefois, je n'hésite pas à vous donner ma parole d'honneur que tout ceci est vrai. Aussi vrai que nous devons tous, Thorne, Affy, Hallijohn et moi, nous trouver un jour en présence du Dieu qui voit tout. Ces paroles étaient solennelles, et Richard les avait prononcées d'une voix lente et accentuée. Il y eut quelques moments de silence. Carlyle semblait être enseveli dans une méditation profonde. Quel intérêt aurais-je à vous tromper ? Continua Richard. Tout ce que je pourrais révéler maintenant ne peut m'être d'aucune utilité. Vous avez raison, répondit l'avoué. Pour obtenir votre réhabilitation, il faudrait des preuves convaincantes. C'est égal, ajouta-t-il. Je verrai ce qu'il y a à faire. Pouvez-vous me tracer le portrait de ce Thorne ? Il a l'air aristocrate. Il est grand et maigre et peut avoir 24 ans. Savez-vous d'où il venait et quels sont ses parents ? Je l'ignore, mais ma fille s'est plus d'une fois vantée devant moi qu'il était de Swainson, c'est-à-dire qu'il faisait plus de 3 lieues pour venir la voir. Il venait de Swainson, répéta vivement Carlyle. Alors vous pensez que c'est un des Thorne dont la famille vit en cet endroit ? Non, répliqua Richard. Je sais de qui vous voulez parler, mais ce n'est pas là un d'eux. C'est un homme d'un extérieur entièrement différent, fort, soigné dans sa mise, se parfumant les mains et portant des bagues aux doigts. Je crois qu'il était noble, mais je mets en doute son bon goût. Il portait sur lui tout un étalage de bijouterie. Carlyle ne put s'empêcher de sourire en entendant cette remarque. C'était probablement de l'imitation, dit-il à Richard. Que non pas. Boutons de chemise et boutons de gilet, bagues et épingles, doucelettes et ornées de diamants taillés à facettes et de la plus belle eau. Il s'en servait pour éblouir Affy. Du moins, telle a toujours été mon idée. Savez-vous maintenant où est Affy ? Richard Hare porta sur Carlyle des yeux étonnés. Comment voulez-vous que je le sache ? Répliqua-t-il. J'allais vous poser la même question. Carlyle était redevenu rêveur. Il crut que Richard le trompait. Richard, reprit-il. L'opinion générale est que cette jeune fille vous a suivi dans l'exil. Eh bien, riposta Richard, l'opinion générale a fait fausse route. Je n'ai pas revu Affy. Bien plus, je n'ai pas entendu parler d'elle depuis cette nuit fatale. Carlyle, ayant en vain tâché d'obtenir d'autres renseignements, se décida à partir. D'ailleurs, il se faisait tard, et il était temps que Richard se présentât chez sa mère. Tous deux remontèrent sans mot dire le sentier qui menait à la maison. Richard, par moments, sentait fléchir sous lui ses jambes, tant il avait peur d'être reconnu par les domestiques. Enfin, il arriva sain et sauf et se précipita dans les bras de sa pauvre mère, qui, tremblante et émue, le reçut en donnant libre cours à ses larmes. L'avoué crut devoir ne pas troubler cette entrevue, et il reprit tranquillement le chemin de West Lynne, repassant dans sa mémoire tout ce qu'il venait d'entendre. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais eu l'ombre d'un doute touchant la culpabilité de Richard Hare. Bien qu'il n'eût jamais voulu admettre cependant, comme le voulait le jury, qu'il y eût préméditation de sa part. Richard était un être doux, bienveillant et inoffensif qui, selon lui, n'aurait pas pu commettre un pareil meurtre de guet-apens. Il pensait qu'il y avait là un accident plutôt qu'un crime et que, probablement, dans une rixe qui se serait élevée entre Hallijohn et Richard, ce dernier aurait, sans le vouloir, lâché la détente de son fusil. Les révélations qu'il venait d'entendre ont bouleversé maintenant, on le conçoit, toutes ses idées. Il se demandait ce qu'était ce Thorne. Était-ce une simple invention créée par Richard pour les besoins de sa cause ? Il ne pouvait le croire. et cependant il lui semblait assez étrange que personne n'eût connaissance de ce Thorn et que personne ne l'eût aperçu dans le voisinage. C'était là une question difficile à résoudre, une affaire très compliquée, mais, pour la débrouiller, il était résolu à mettre en jeu toutes les lumières de son intelligence. En arrivant chez lui, car là il trouva les invités tels qu'il les avait quittés, rendus plus joyeux cependant et plus communicatifs par l'effet de la bière et du vin qu'ils avaient absorbés. Mademoiselle Cornélie se retira dans sa chambre dès qu'elle vit entrer son frère, se plaignant de douleurs à la tête, aux yeux et au cœur, douleurs dont elle attribuait naturellement l'origine à la fumée dont ces messieurs avaient, à pleine bouffée, inondé sa maison. Vers 11 heures, on se sépara, et sur un signe de son patron, le vieux Deal resta seul au salon. « Asseyez-vous un moment, » lui dit Carlyle, « j'ai à vous parler. Vous êtes l'ami intime des Thorne de Swainson. Or, je voudrais savoir si, parmi leurs parents, il se trouve, soit un neveu, soit un cousin, jeune encore, quelque peu prétentieux et à l'air fashionable. « Voulez-vous parler du jeune Jacob ?» demanda le maître Claire. « J'ai passé la journée de dimanche avec lui. » « Ce jeune Jacob, » interrompit l'avoué en souriant, « doit être bien près de la cinquantaine. »« Vous avez raison, » fit le vieux Deal. « Toutefois, chacun est libre de juger les âges à sa façon. Jacob, selon moi, est encore jeune, mais peu importe. Je ne connais que lui et son frère Édouard. Il n'y a dans cette famille ni neveu ni cousin. » Carlyle, à moitié enterré dans un large fauteuil, les coudes sur les genoux et le front dans les mains, se prit à réfléchir. Puis, relevant subitement la tête, « Deal, j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui m'autorise à mettre en doute la culpabilité de Richard Hare. » Deal fixe avec étonnement sur l'avoué ses petits yeux ronds. « Eh bien, mais sa fuite, » bredouilla-t-il, « son exil volontaire, monsieur Archibald, vous n'y pensez pas. Ce sont là, je l'avoue, des indices qui semblent le condamner. » répliqua Carlyle, et cependant j'ai mes doutes. Un certain dandy, grand et mince, nom de Thorne et habitant Swainson, faisait à l'époque du crime une cour assidue à la fille de Hallijohn et lui rendait des visites d'une manière clandestine. Pensez-vous que le signalement de cet individu réponde à l'un des membres de la famille Thorne ? Monsieur Archibald, fit le maître Claire d'un ton piteux, comment pouvez-vous supposer que deux hommes aussi respectables, ayant femme et enfant, aient pu songer à courtiser cette fille ? « Vous vous méprenez sur le sens de mes paroles, » répondit Carlyle. « Ce n'est pas eux que je soupçonne. L'individu auquel je veux faire allusion avait 24 ans et j'ai cru que c'était peut-être un parent d'Édouard et de Jacob. C'est impossible. D'ailleurs, je sais qu'ils sont les seuls de leur nom à Swainson. »« Je ne puis vous en dire davantage aujourd'hui, » reprit Carlyle. « J'ai lieu de croire toutefois que la justice est égarée en cette affaire. Je compte, pour ma part, reprendre l'instruction » sans cependant ébruiter mes soupçons, et j'espère arriver à la découverte de la vérité. Voulez-vous m'aider dans cette entreprise ? De tout mon cœur, répondit le vieux Deal, mais j'ai la conviction que Richard est le véritable assassin. N'importe, reprit l'avoué, la première fois que vous irez à Swainson, veillez vous informer si un jeune homme du nom de Thorne vivait dans cet endroit à l'époque où fut perpétré le meurtre. Je vous ai donné son signalement, servez-vous-en, et tâchez de relancer le coupable dans sa tanière. « Je n'y manquerai point, » ajouta le maître Claire en prenant congé de son patron. Un domestique entra. « Joyce est-elle couchée ?» demanda Carlyle. « Non, monsieur, » répondit le domestique. « Alors dites-lui de venir me trouver ici. » Joyce arriva sur le champ. C'était la femme de chambre de mademoiselle Cornélie. D'une taille moyenne, elle se distinguait par une physionomie intelligente, un front large, un teint pâle et des yeux profondément enfoncés. Elle avait plus de 35 ans. C'était la sœur de l'aide d'Affy Hallijohn. Fermez la porte, lui dit Carlyle quand elle fut entrée. Joyce fit ce que lui ordonnait son maître, puis il s'avança et se tint debout près de la table. Avez-vous reçu des nouvelles de votre sœur ? Demanda Carlyle. Non, monsieur, répondit Joyce, et je n'en suis pas surprise. Pourquoi cela ? Parce qu'elle s'est enfuie avec Richard Hare, l'assassin de son père, et qu'elle n'a pas intérêt à révéler maintenant où elle est, ni ce qu'elle fait. « Quel est donc cet autre beau jeune homme qui lui faisait la cour ?» demanda Carlyle. Joyce, à cette question, devint rouge, et baissant la voix, elle s'écria vivement. « Comment, monsieur ? Auriez-vous entendu parler de lui ?»« Oui, » répliqua l'avoué, « tout dernièrement. N'était-il pas de Swainson ?»« Je le pense, mais je n'en suis pas certaine. Affy m'en parlait peu. Je n'approuvais pas ses visites, et plus d'une fois je fis part à Affy de mes impressions à cet égard. » Je ne pouvais croire qu'un homme d'un rang aussi élevé eût de bonnes intentions en venant chez nous. Vous venez de faire allusion à son rang, interjeta vivement Carlyle. De quel rang voulez-vous parler ? Ce devait être un grand seigneur, un lord, continua la servante. Je ne me souviens de l'avoir vu qu'une fois, une seule. C'était un soir, j'étais revenu à la maison plus tôt que d'habitude. On ne m'attendait point. Il était assis à ses côtés, ses mains dans les siennes, des mains délicates et blanches, ornées de bagues. Sa chemise brillait des pierres précieuses. Les avez-vous revus depuis ? Jamais. Si je le rencontrais maintenant, je ne le reconnaîtrais point. Dès qu'il m'eut aperçu, il se leva et disparut subitement. C'était un bien bel homme, de votre taille, monsieur, mais plus maigre. Il avait le port majestueux d'un soldat. D'un soldat ? Ajouta subitement Carlyle. Oui. Affy l'appelait ordinairement le capitaine, mais elle m'avoua un jour qu'il ne l'était pas encore, et qu'il n'était que... « Lieutenant, peut-être ?» suggéra Carlyle, voyant que Joyce ne se souvenait plus du grade. « C'est cela même, » fit la servante, « le lieutenant Thorne. » Et s'en allant le soir en question, il traversa la cuisine et laissa tomber son mouchoir. Un mouchoir brodé de la plus fine batiste, tout parfumé d'ambre. Je le ramassai, mais ma fille me l'arracha des mains, et courant à la porte, elle appela le capitaine Thorne et le lui rendit elle-même. Dès qu'il fut parti, elle me fit une scène terrible, me reprochant d'être venu troubler leur entretien. Ce même soir, j'aperçus Richard Hare qui rôdait autour de la chaumière, comme s'il guettait son rival et attendait son départ. J'eus alors l'idée que tout ceci tournerait à la honte de ma sœur. Une semaine après, le meurtre fut accompli. « Joyce, » demanda Carlyle, « ne pensez-vous pas que Affy ait suivi ce lieutenant Thorne et non pas Richard Hare ?»« Affy est avec Richard Hare. » répondit Joyce, « du moins, telle a toujours été ma conviction. C'est aussi celle de tous les habitants de West Lyne. » Carlyle ne chercha pas à la détourner de cette croyance, et, l'ayant congédié, il demeura seul à réfléchir, se demandant à part lui ce qu'il convenait de faire en une telle occurrence. L'entrevue de Richard avec sa mère fut de courte durée. Tous deux, craignant d'être surpris par les domestiques, se séparèrent au bout d'un quart d'heure, et avec les 2 500 francs dans sa poche et la désolation au cœur, ce malheureux fils quitta de nouveau le toit paternel. Madame Hare et Barbara, debout près de la fenêtre, et les yeux noyés de larmes, le virent gagner la route qu'éclairaient les rayons de la lune.